À l'occasion de la journée de la brillante étoile, le front anti-impérialiste français a fait paraître en brochure l'œuvre classique du général Kim Jong-il, cimentant l'unité monolithique et exaltant la conscience de la valeur de la nation coréenne à la maison d'édition démocrate. Par ailleurs, à la même occasion, la maison d'édition Anfer de l'Espagne a fait paraître en brochure l'œuvre classique du général Kim Jong-il « Toute la nation doit s'unir pour réunifier le pays en toute indépendance et dans la paix ».